Radiodiffusion Télévision Française. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, depuis la façade du château de Coussac-Bonneval, Haute-Vienne, et à l'occasion du 6e Festival National donné à Coussac-Bonneval, vous allez entendre Ruy Blas, drame en 5 actes de Victor Hugo. En voici la distribution. Cette distribution, je vous la donne par ordre d'entrée en scène. Don Salluste, Jean Marchat, sociétaire de la Comédie-Française. Ruy Blas, Jacques Destop, de la Comédie-Française. Gudiel, Michel Nicollier. Don César, Jean Weber, sociétaire honoraire de la Comédie-Française. Le marquis del Basto, Denis Daniel. Marquis de Santa Cruz, Léon Le Sac. Le comte d'Albe, Paul Cholet. Un huissier, Claude Brosset. La reine, René Faure, sociétaire de la Comédie-Française. Casilda, Madeleine Delavèvre. Don Guritan, Gauthier Silla. La Camerara Mayor sera interprétée par Henri Sauguet. Don Arias, Denis Daniel. Le comte de Camporeal, Maurice Audran. Covadonga, Roger Hart. Don Hubilla, Paul Bins. Un page, Len Herel. Montasgo, Jean Fuller, le marquis de Priego, Léon Le Sac, une duègne, Marion Delbon. Le premier acte se passe dans le salon de Danaé, dans le palais du roi, à Madrid. Fermez la porte. Ouvrez cette fenêtre. Dorment encore tous ici. Le jour va naître. Ah, c'est un coup de foudre. Oui, mon règne est passé, Gudiel. Renvoyé, disgracié, chassé. Tout perdre en un jour. L'aventure est secrète encore, n'en parle pas. Oui, pour une amourette. Chose à mon âge sotte et folle, j'en conviens. Avec une suivante, une fille de rien séduite. Bon malheur! Parce que la donzelle est à la reine et vient de Neubourg avec elle, que cette créature a pleuré contre moi et traîné son enfant dans les chambres du roi, ordre de l'épouser, je refuse, on m'exile. On m'exile. Et 20 ans d'un labeur difficile, 20 ans... d'ambition, de travaux, nuit et jour. Le président haï des alcades de cour, dont nul ne prononçait le nom sans épouvante. Le chef de la maison de Bazan, qui s'en vante. Mon crédit, mon pouvoir, tout ce que je rêvais, tout ce que je voulais, et tout ce que j'avais, charge, emploi, honneur, tout en un instant, s'écroule au milieu des éclats de rire de la foule. Nul ne le sait encore, monseigneur. Mais demain, on le saura. Nous serons en chemin. Je ne veux pas tomber, non? Je veux disparaître. Tu m'agrafes toujours comme on agrafe un prêtre. Tu serres mon pourpoint. J'étouffe, mon cher. Oh, mais je vais construire, et sans en avoir l'air, une sape profonde, obscure et souterraine. Chassé. D'où vient le coup, monseigneur? De la reine. Ah, je me vengerai, Gudiel, tu m'entends? Toi, dont je suis l'élève, et qui depuis 20 ans m'as aidé, m'as servi dans les choses passées,

mes voyages, enfin mon retour en Espagne. Puis quel roman! Le jour où j'arrive, ça c'est fort, ces mêmes alguazils rencontrés tout d'abord. Leur poursuite enragée, ma fuite est perdue. J'avise une maison perdue dans les arbres, j'y cours. Et je grimpe allègrement sur le toit. Et j'entre dans le sein des familles, où je mets en haillon mon manteau qui sur mes chaussures pend. Pardieu, monsieur Salluste est un grand sacripant. Mon pourpoint m'a suivi dans mes malheurs. Il lutte. Mais ma jambe a souffert diablement dans ma chute. Ce manteau me paraît plus décent que le mien. C'est égal. Me voilà revenu. Tout va bien. Ah, mon très cher cousin. Vous voyez que j'émigre dans cette Afrique où l'homme est la souris du tigre. Mais je vais me venger de vous, cousin Darny, épouvantablement, quand j'aurai déjeuné. J'irai sous mon vrai nom chez vous, traînant ma queue d'affreux vaurien, sentant le gibet d'une lieue. Et je vous livrerai vivant aux appétits de tous mes créanciers, suivis de leurs petits. Voyons d'abord où m'ont jeté ces perfides. Maison mystérieuse et propre aux tragédies. Porte close, volet barré, un vrai cachot. Dans ce charmant logis, on entre par en haut. Juste comme le vin entre dans les bouteilles. C'est bien bon, du bon vin. Oh, merveille des merveilles. Cabinet sans issue, où tout est clos aussi. Personne. Où diable suis-je? Au fait, j'ai réussi à fuir les alguazils. Que m'importe le reste? Vais-je pas m'effarer et prendre un air funeste pour n'avoir jamais vu de maison faite ainsi? Ah ça, mais... je m'ennuie horriblement ici. Ceci m'a l'air d'une bibliothèque. Justement, un pâté, du vin, une pastèque, c'est un encas complet. Six flacons bien rangés. Diable, sur ce logis, j'avais des préjugés. C'est un bon choix. Allons, l'armoire est honorable. Lisons d'abord ceci. C'est une œuvre admirable. De ce fameux poète appelé le soleil. Quirès des chevaliers n'a rien de plus vermeil. Quel livre vaut cela? Trouvez-moi quelque chose de plus voluptueux. Mange. Chien d'alguazil. Je les ai déroutés. Ils ont perdu ma trace. Oh! Le roi des pâtés. Quand on maître du lieu, s'il vient, je l'invite. Pourvu qu'il n'aille pas me chasser. Mangeons. Mon dîner fait, j'irai visiter la maison. Mais qui peut l'habiter? Bon, peut-être un mon garçon. Ceci peut nous cacher qu'une intrigue de femme. Bon. Quel mal fais-je ici? Qu'est-ce que je réclame? Viens. l'hospitalité de ce digne mortel à la manière antique, en embrassant l'autel. D'abord, ceci n'est point le vin d'un méchant homme. Et puis c'est convenu. Si l'on vient, je me nomme. Ah, vous en diablerez, mon vieux cousin maudit. Quoi? Ce bohémien, ce galeux, ce bandit, ce zafari, ce gueux, ce vanupier, tout juste, Don César de Bazan, cousin de Don Salluste. La bonne surprise. Et dans Madrid, quel bruit. Quand est-il revenu ce matin, cette nuit? Quel tumulte partout en voyant cette bombe. Ce grand oublier qui tout à coup retombe. Don César de Bazan. Oui, messieurs, s'il vous plaît. Personne n'y pensait, personne n'en parlait. Il était non pas mort, il vit. Messieurs, mesdames, diable, diront les hommes. Quida, diront les femmes. Tout bruit qui vous reçoit en rentrant dans vos foyers, accompagné de l'aboiement de 300 créanciers. Quel beau rôle à jouer. Hélas, l'argent me manque. On vient, sans doute on va comme un vil saltimbanque, mais expulsé. C'est égal, ne faire rien à demi, César. Ah! Qui venez-vous chercher séant, l'ami? Il faut beaucoup d'aplomb, le péril est extrême. Don César de Bazan. Don César? C'est moi-même. Voilà du merveilleux. Vous êtes le seigneur Don César de Bazan? Mon Dieu, j'ai cet honneur. César, le vrai César, le seul César, le comte de Caron. Daignez voir si c'est là votre compte. De l'argent? C'est trop fort. Mon cher, daignez compter. C'est la somme que j'ai l'ordre de vous porter. Ah, fort bien, je comprends. Je veux bien que le diable... Ça, ne dérangeons pas cette histoire admirable. Ceci vient fort à point. Vous faut-il dessus? Non, mon seigneur. Mettez cet argent là-dessus. De quelle part? Monsieur le sait bien. Oh, sans nul doute, mais... Cet argent, voilà ce qu'il faut que j'ajoute. Viens de qui vous savez pour ce que vous savez. Ah. Nous devons tous les deux être fort réservés. Ah. Je dis ce qu'on m'a dit de dire. Chut. Cet argent vient. La phrase est magnifique. Redites-la-moi donc. Cet argent. Tout s'explique. Vient. De qui vous savez, pour ce que vous savez. Nous devons, tous les deux, être fort réservés. C'est parfaitement clair. Moi, j'obéis, du reste, je ne comprends rien. Bah. Mais vous comprenez? Peste! Il suffit! Je comprends et je prends mon trésor. De l'argent qu'on reçoit d'abord, c'est toujours clair. Chut, chut. Ne faisons pas d'indiscrétion, diantre. Daignez compter. Oh, pour qui me prends-tu? Mais... Le bon vent, je me fie à toi. L'or étant souverain, bon quadruple, pesant 7 gros 36 grains, ou bon doublons au mar. L'argent, en croix, Marie. Voici que mon roman couronnant ses féeries meurt amoureusement sur un gros million. Oh, délice, je m'en ramène à galion. Et maintenant, j'attends vos ordres. Pourquoi faire? Afin d'exécuter vite et sans qu'on diffère ce que je ne sais pas et ce que vous savez. De très grands intérêts. Oui, public et privé. Demande que ceci soit fait dans l'instant même. Je dis ce qu'on m'a dit de dire. Et je t'en aime, fidèle serviteur. Pour mieux l'exécuter, mon maître à vous me donne, afin de tout rater. C'est agir congrûment. Faisons ce qu'il désire. Je veux être pendu si je sais que lui dit. Approche, Galion. Et d'abord, bois-moi ça. Quoi, seigneur? Bois-moi ça. Du vin d'Oropesa. Causons. Il a déjà la prunelle. L'homme, mon cher ami, n'est que de la fumée noire qui sort du feu des passions. Voilà. Bon, c'est bête que tout ce que je te dis là. D'abord, la fumée au ciel bleu ramené se comporte autrement dans une cheminée. Elle monte gaiement et nous dégringolons. L'homme n'est qu'un plomb vide. Buvons, tout est doublon, ne valent pas le chant d'un ivrogne qui passe. Vois-tu, soyons prudents. Trop chargé, les cieux passent. Le mur sans fondement s'écroule subitement. Mon cher, raccroche-moi le col de mon manteau. Seigneur, je ne suis pas valet de chambre. Il sonne, le maître va sans doute venir en personne, je suis pris. Remettez l'agrafe à mon seigneur. Je suis chez Belzébuth, ma parole d'honneur. Enfin, laissons-nous faire et prenons ce qui se... Donc, je vais remuer les écus à plein coffre. J'ai de l'argent. Que vais-je en faire? Attends, pardon. Voyons, si je payais mes créanciers, fus donc. Rien n'est tel que l'argent pour vous corrompre un homme. Et fut-il descendant d'Hannibal qui prit Rome, l'emplir jusqu'au goulot de sentiments bourgeois. Que dirait-on me voir payer ce que je dois? Oh. Et coordonnez-vous! Laisse-moi. Je médite. Bois en attendant. Oui! Lève-toi tout de suite. Voilà ce qu'il faut faire. Emplis tes poches. Dans la ruelle au bout de la place Maillard, entre au numéro 9. Maison étroite, beau logis. Si ce n'est que la fenêtre à droite a sur le cristallin une tête en papier. Maison bonne? Non, louche. On peut s'estropier en montant l'escalier, prends-y garde. Une échelle? À peu près, c'est plus roide. En haut, loge une belle facile à reconnaître. Un bonnet de 6 sous avec de gros cheveux ébouriffés dessus. Un peu courte, un peu rousse, une femme charmante. Respecte, mon cher, c'est mon amante. Le syndic, qui a 10 blondes à l'œil à l'hélico, j'ai le pape le soir d'annoncer le fandango, contre lui 100 ducats en monde. Dans un bouge à côté, tu trouveras un gros diable au nez rouge, coiffé jusqu'aux sourcils d'un vieux feutre fané, coupant tragiquement un plumeau consterné. La rapière à l'échine et la loque à l'épaule donnent de notre part 100 piastres à ce drôle. Plus loin, tu trouveras un trou noir comme un foudre, un cabaret qui chante au coin d'un carrefour. Sur le seuil, bois et fume, un vivant qui le hante. C'est un homme fort doux et d'humeur élégante. Un seigneur dont jamais un juron ne tomba. Et mon ami de cœur, nommé Koulatrumba, 30 écus. Et dis-lui pour toute part d'autre qu'il les boise bien vite et qu'il en aura d'autres. Donne à tous ces faquins ton argent le plus rond et ne t'épaille pas des yeux du bureau. Après, garde le reste. Et pour dernier chapitre... Ordonne, mon seigneur. Va te saouler, bénitre. Casse beaucoup de pont, il fait beaucoup de bruit. Et ne rentre chez toi que demain, dans la nuit. Suffit, mon prince. Il est effroyable mentir. Ah. Et quand tu sortiras, des oisifs vont te suivre. Fais par ta contenance honneur à la boisson. Sache te comporter d'une noble façon. Si par hasard il tombait des écus de tes choses, laisse tomber. Et si des essayeurs de sauce, des clercs, des écoliers, des gueux qu'on voit passer les ramasses, mon cher, laisse les ramasses. Ne sois pas un mortel de trop farouche approche. Et si même ils en prenaient quelques-uns dans ta poche, sois indulgent. Ce sont des hommes comme nous. Et puis il faut, vois-tu, c'est une loi pour tous. Dans ce monde rempli de sombres aventures, donner parfois un peu de joie aux créatures. Tous ces gens-là seront peut-être un jour pendus. Ayons donc les égards pour eux qui leur sont dus. C'est le devoir du chrétien du sage, quand il a de l'argent, d'en faire un bon usage. J'ai de quoi vivre au moins 8 jours. Je vais vivre. S'il me reste un peu d'argent, je l'emploierai à des fondations pieuses. Mais je n'ose m'y fier, car on va sans doute me reprendre la chose. Ces méprises, sans doute, et ce mal adressé aura mal entendu. J'aurais mal prononcé. Don César de Bazan. Pour le coup. Ouh, femelle! Mais il faut que le diable salisse s'en mêle. Gageons que je vais voir arriver mon cousin. Oh, une duègne. C'est moi, Don César, quel dessein. D'ordinaire, une vieille en annonce une jeune. Seigneur, je vous salue. Aujourd'hui, jour de jeûne. En Jésus Dieu le Fils, sur qui rien ne prévaut. Un galant dénouement, commencement des vous. Ainsi soit-il, bonjour. Dieu vous maintienne en joie. Avez-vous à quelqu'un qui jusqu'à vous m'envoie donné pour cette nuit un rendez-vous secret? Mais j'en suis fort capable. Ainsi, mon beau discret, c'est bien vous qui venez, et pour cette nuit même, d'adresser ce message à quelqu'un qui vous aime. Et que vous savez bien... Ce doit être moi. Bon, la dame, mariée à quelque vieux barbon, a des ménagements, sans doute est obligée. Et de me renseigner, séant, on m'a chargé. Je ne la connais pas, mais vous la connaissez. La soubrette m'a dit les choses. C'est assez sans les noms. Or, le mien. C'est tout simple. Une dame reçoit un rendez-vous de l'ami de son âme. Et naturellement, mais pour la mener à bien, elle ne sait. Un déménagement est obligé. Oh, la vieille farouche, vrai Dieu, quel broussaille autour d'un billet doux. Oui, c'est moi, moi, te dis-je. Eh bien, si c'est vous, vous écrirez. Venez au dos de cette lettre. Mais pas de votre main, pour ne rien compromettre. Peste au fait de ma main. Message bien rempli. Non. Tu Dieu. Moi qui voulais savoir, jouons mon rôle. Tu sais écrire? Ainsi. Et tu mets mon rôle. Parfait, continuez. Démenez à présent. Écris-moi là. Venez. Il est obéissant. Vous la verrez ce soir. Est-elle bien jolie? Oh, charmante. La suivante est d'abord accomplie. Elle m'a prise à part au milieu du sermon. Mais belle, un profil d'ange, avec l'œil d'un démon. Oui. Aux choses d'amour, elle paraît savante. Je me contenterai fort bien de la suivante. Nous jugeons, car toujours le beau fait peur au laid. La sultane à l'esclave et le maître au valet. Oh. La vôtre est à coup sûr fort belle. Je m'en flatte. Je vous baise la main. Je te dresse la patte. Ah, vieille. La jeunesse est gaie aujourd'hui. Si vous aviez besoin... J'ai nom d'âme Oliva, couvent Saint-Isidro. Toujours à droite assise, au troisième pilier, en entrant dans l'église. Vous le verrez ce soir, monsieur, pensez à moi, dans vos prières. Je me résous ma foi à ne plus m'étonner, j'habite dans la lune. Me voici maintenant une bonne fortune, et je vais contenter mon cœur après ma fin. Tout cela me paraît bien beau, car la fin... Don César de Bazan. Enfin à la bonne heure. L'aventure était bonne, elle devient meilleure. Bon dîner, de l'argent, un rendez-vous, un duel, je redeviens César à l'état naturel.

Parfait. Eh bien, je l'ai saoulé. Mais l'argent qu'il avait... J'en ai fait des dons à diverses personnes. Dame, on a des amis. Attends, tu me soupçonnes, je... J'ai d'abord rempli mes poches, vous pensez. Vous savez bien, la dame, oh, que vous connaissez, qui m'envoie une dueigne affreuse compagnonne, dont la barbe fleurit et dont le nez trognonne. Pourquoi? Pour demander par prudence et sans bruit si c'est bien Don César qui l'attend cette nuit. Qu'as-tu répondu? J'ai dit que oui, mon maître, que j'attendais. Tout n'est pas perdu, peut-être. Enfin, votre tueur, votre grand capitaine, qui m'a dit sur le pré s'appelait Guritan, et qui ce matin n'a pas voulu voir l'homme sage, un laquais de César lui portant un message, et qui m'essayant m'en demander raison. Eh bien, qu'en as-tu fait? J'ai tué cet oiseau. Vrai? Là, sous le mur, à cette heure, il expire. Es-tu sûr qu'il soit mort? J'en ai peur. Je respire. Allons, bonté du ciel, il n'a rien dérangé. Au contraire, pourtant, donnons-lui son congé, débarrassons-nous-en. Quel rude auxiliaire, pour l'argent, ce n'est rien. L'histoire est singulière et vous n'avez pas vu d'autres personnes? Non, mais j'en verrai. Je veux continuer. Mon nom, je compte en faire éclat, tout à travers la ville. Je vais faire un scandale affreux, soyez tranquille. Diable, garde l'argent, mais quitte la maison. Oui, vous me feriez suivre, on sait votre façon. Et puis je retournerai, aimable destinée, contempler ton azur, ô Méditerranée. Non! Crois-moi. Point. D'ailleurs, dans ce palais prison, je sens quelqu'un en proie à votre trahison. Cette intrigue court d'une chaîne double. D'un côté, braillé, frondié, morne, et le regard trouble, monte patient, et de l'autre, le bourreau. Or, vous êtes bourreau, nécessairement. Oh. Moi, je tire l'échelle, et patatras. Je jure. Je veux, pour tout gâter, rester dans l'aventure. Je vous sais, assez fort, cousin, assez subtil, pour pendre deux ou trois pantins au même fil. Tiens, j'en suis un, je reste. Écoute. Rhétorique. Ah, vous me faites vendre aux pirates d'Afrique. Ah, vous me fabriquez ici de faux Césars. Ah, vous compromettez mon nom. Hasard. Hasard. Mais que font les fripons pour les sots qui les mangent? Point de hasard. Tant pis si vos plans se dérangent. Mais je prétends sauver ceux qui, si, vous attaquent. Je vais crier mon nom sur les toits. Attendez. Juste, les alguazils passent sous la fenêtre. Voilà. Tout est perdu s'il se fait reconnaître. Vous allez consigner. Dans vos procès-verbaux. Le voici, le fameux voleur, Matalobos. Comment? Je gagne tout en gagnant 24 heures. Cet homme ose en plein jour entrer dans les demeures. Saisissez ce voleur. Je suis votre valet, vous mentez hardiment. Qui l'a nous appelé? C'est moi. Par Dieu, c'est fort. Mais je crois qu'il raisonne. Mais je suis Don César de Bazan, personne. Don César, regardez son manteau, s'il vous plaît. C'est un... Vous trouverez Saluste écrit sous le collet. C'est un manteau qu'il vient de me voler. C'est juste. Et le pourpoint qu'il porte. Oh, le damné Saluste. Il est au comte d'Albe auquel il fut volé. Donc voici le blason. Il est ensorcelé. Oui, les deux châteaux d'or. Et puis les deux chaudières, Henri Caisse et Goussemard. Mais. Sont cela les manières dont les honnêtes gens portent l'argent qu'ils ont? Je suis pris. Voilà les papiers. Ils y sont, oh, pauvres billets doux sauvés dans mes traverses. Des lettres, qu'est-ce là? D'écritures diverses. Tous au comte d'Albe. Oui. Mais. Oui, quel bonheur. Un homme est là qu'on vient d'assassiner, seigneur. Quel est l'assassin? Oui. Ce duel, quel équipé? En entrant, il tenait à la main cette épée, la voilà. Du sang? Bien. Allons, marche avec eux. Bonsoir, Matalobos. Vous êtes un fier queue. Ah! Voici le cinquième acte de Ruy Blas, qui se passe dans le même décor, dans la même chambre. C'est la nuit. C'est fini, rêve éteint, vision disparue. Jusqu'au soir, au hasard, j'ai marché dans les rues. J'espère en ce moment. Je suis calme. La nuit, on pense mieux, la tête est moins pleine de bruit. Rien de trop effrayant sous ces murailles noires. Les meubles sont rangés, les clés sont aux armoires. Les muets sont là-haut qui dorment. La maison est vraiment bien tranquille.

puis le château de Coussac-Bonneval. À l'occasion du 6e festival national donné à Coussac-Bonneval, vous venez d'entendre Ruy Blas, drame en 5 actes de Victor Hugo, dont je vous rappelle la distribution. Don Salluste Jean Marchat, sociétaire de la Comédie Française, Ruy Blas Jacques Destoupe de la Comédie Française, Gudiel Michel Nicollier, Don César Jean Weber, sociétaire honoraire de la Comédie Française, le marquis del Basto Denis Daniel, le marquis de Santa Cruz Léon Le Sac, le comte d'Albe Paul Cholet, un huissier Claude Brosset. La reine était Madame René Faure, sociétaire de la Comédie Française, Casilda Madeleine de la Vèvre, Don Guritan Gauthier Silla, la Camerera Mayor, Henri Sauguet, Don Arias, Denis Daniel, le comte de Camporeal, Maurice Audran, Covadonga, Roger Hart, Don Ubilla, Paul Bince, Impage, Lénérel, Montesgo, Jean Fuller, le marquis de Priego, Léon Le Sac, une duègne, Marguion Delbon. La mise en scène était de Jean Marchat. Radiodiffusion, Télévision Française.